retrouver tous mes amis. Je revois quand je pense à mon village, celui que j'aime et qui m'attend encore. Veux-tu me conduire vers mon village, là où j'ai laissé tous mes amis, celui que j'aime est là-bas dans mon village. Il m'écrit qu'il m'attend toujours. Je veux retourner dans mon village, voir mes parents qui ont vieilli. Je veux vivre et mourir dans mon village, tout près de ceux qui m'ont donné l'amour.